1 Pierre chapitre 4. Puis donc que Christ a souffert pour nous en la chair, vous aussi soyez armés de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair, a désisté du péché, afin que durant le temps qui reste en la chair, vous ne viviez plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Car il nous doit suffire d'avoir accompli la volonté des gentils, durant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions aux impudicités, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux excès dans le manger et dans le boire, et aux idolâtries abominables. Ce que ces gentils trouvent fort étrange, ils vous blâment de ce que vous ne courez pas avec eux dans un même débordement de dissolution. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est aussi pour cela qu'il a été évangélisé aux morts, afin qu'il fût jugé selon les hommes en la chair, et qu'il vécût selon Dieu dans l'esprit. Or la fin de toute chose est proche, soyez donc sobres, et vigilants à prier. Mais surtout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Que chacun, selon le don qu'il a reçu, l'emploie pour le service des autres, comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les paroles de Dieu, si quelqu'un administre, qu'il administre comme par la puissance que Dieu lui en a fournie, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange quand vous êtes, comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en ce que vous participez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais pour vous, vous le glorifiez. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu, or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu? Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra le méchant et le pécheur? Que ceux-là donc aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leurs âmes, comme au fidèle Créateur.